1, yo, non, je m'entends pas là. Il a baissé le son de commande. Non, dis-lui de se taire, Nini, dis-lui de se taire. Dis-lui de Johnny Sister. 1, là, tu m'entends mieux ou pas? 1, bon, là, ça, 1, c'est bon, c'est mieux. 1, yeah. Comeback, retour au moins, crayon musique black, c'est fait. Retour du mail, vais dans les boîtes, bon plan contre-attaque. Pour 2, triple 0, gonfle un bloc. Tu l'as voulu, on est ici, ça va faire mal, cousin. Après ta main, les poissons, gratter du poing, puis dans l'ombre. Sonneur pour mon crew, sortir de l'ombre. Élevé stratégique, rap authentique, le même tandem, la même équipe, y'a qui vient contrôler l'ennemi. Rangé, en ordre de bataille, sorti des tranchées. On passe les murs du son dans Del Shaddai. Déjà plus de dépuis, qu'on rappe plus de puis. Constate que dans le monde, à beaucoup on donne le vertige. J'entends ça parle autour de nous, sa taille, sa mère. J'ai ce qui va avec élégance, comprends sa mère. De loin, j'entends les voix qui crient à l'aide, ultimate ouest. Son boy en caisse, on est de retour. Revenir quand s'y attend pas, faire une dernière apparition quand s'y attend plus. Faire comme si rien n'était, faire comme si le monde n'avait jamais été. Faire comme si les critiques étaient des compliments qui nous étaient adressés. C'est l'âge dans le but de nous redresser. J'accusais leur coup, leur injure et me suis redressé. On nous voyait morts, j'entendais dire qu'on était cuit. À chacun de mes pas j'entendais résonner leurs cris. Mais c'était qu'un mythe, une voix sans âme qui se donnait en public. La dernière ruse de la critique, m'en s'est relevé. Et ça afin que tu puisses te relever dans toutes les éditions. Faut que t'apparaisse un gros retour du LV. Retour. As a comeback. Get down. They come around but they never come close to. It ain't hard to tell. On est de retour. As a comeback. Get down. They come around but they never come close to. Yes, y'all. Je suis un journaliste du ghetto, comme tout parrain. Mon rap me décrit, décrit ce que je fais. Live de province, flow impact. De quoi faire, flipper le démat. Pas de choubi de wap, mon rap vrai. Pas d'aromate, je reste high. C'est là, c'est high, tight. Vie pour Jésus-Christ, live pour le lion de Juda. Alors au top, prix, tja, Rastafari. Give Buddha, papa, y'avait ma vie pour toi. Revenir de loin malgré les coups durs, les enflures qu'on rencontre. Qui freine ta vue à coups de grands contres. On a voulu nous paralyser. Mon allemand au délit, la double onction comme Élysée. Depuis le début on veut nous bloquer. Mettre un frein à notre zèle sur nos bouches, mettre un loquet. Mais nous quoi qu'il arrive on avance. On tient le coup, on fait front comme la résistance. On est de retour. As a comeback. Get down. They come around but they never come close to. It ain't hard to tell. On est de retour. As a comeback. Get down. They come around but they never come close to.